Quelque chose me dit, Charline. Oui? Que Bernard Tapie va vous inspirer aujourd'hui. Je sais pas, c'est une idée. Écoutez, comme ça. On est affligés, je ne sais que vous dire. On en parle avec Richard Bohringer, là, ça nous fait mal au cœur. Je veux dire, un homme intègre qui méritait. On va lancer une cagnotte sur Kiss Kiss Bank Bank. Et on va faire du crowdfunding parce que cet homme-là, il investissait au profit. De plein de choses, c'était un grand philanthrope, quoi. Voilà, ça nous fait mal. Donc j'avais raison, donc vous êtes bien inspiré. Ouais, je pense qu'on va essayer de. Pleurez pas trop quand même. Hein. Ouais, on va faire de l'humour de catharsis, on va essayer d'en rire pour ne pas en pleurer, quoi. Salut à toi Bernard, et voici comment nous avons préparé cette émission. Salut Charline. Ah là, je suis en forme. Ah, je vais te le calmer, l'invité. Ah, c'est qui l'invité? C'est Richard Bohringer. Oh là là, non. Ah, non, mais quoi? Non, Bohringer, faut pas l'énerver, le gars. Ouais, t'inquiète, s'il s'énerve, tac, moi je le recadre. Non. Personne ne recadre Richard Bohringer. Ah bah tu vas voir, tiens, bon allez, appelez sujet. Ah, non, mais... c'est des syndicalistes d'Air France. Ouais, non, qui ont arraché la chemise. Ah bah parfait, voilà le sujet. Non. Mais pourquoi? Mais ça, c'est typiquement un sujet où il pourrait s'enflammer, le gars. Des classes, non, plus c'est le thème de la pièce. Non, pas de souci, moi je vais te le canaliser, le Bohringer. Il faudrait plutôt un sujet genre les photos de chat sur internet. Voilà, ça, c'est bien, c'est pas clivant, voilà. C'est bien. Vous c'est avez bien. Peur ou quoi? Non. Alors, on aurait peur de qui? Alors, je vois pas, je vois pas du tout. Peut-être d'un invité un peu sanguin. Eh ben non. Quoi. Bon, sujet 2, alors voilà. Ah, on a lu un article dans l'Express sur le cinéma. Ouais. Ah oui, ce serait l'une des industries les plus polluantes au monde. Parfait, ça, il aura un avis. Oui, il aura un avis, mais c'est bien ça le problème. Ah, les pleutes. Alors, de toute façon, c'est moi qui décide. Alors, vous savez quoi? En princesse, moi, je vous laisse choisir le dernier sujet. Ça, c'est bien. Alors, moi, j'avais vu un truc sur le calendrier Pirelli. Non, mais ça va te plaire, Charline. Ah, mais ça m'étonnerait. Si, hein, si, en fait, cette année, c'est plus des top modèles, ce sont des femmes choisies uniquement pour leur parcours intéressant. Voilà, comme toi, Charline. Comme toi. Quoi? C'est ça, vous me trouvez pas belle, non, c'est ça? Non, parce que moi, je suis pas une Kate Moss, moi. Moi, je suis une intello, c'est ça. Bah, démerdez-vous avec le sujet, voilà, merde. Oh, le coup de gueule. Tu m'étonnes qu'elle va s'entendre avec Bohringer. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui pratique le chantage avec l'actualité et voici les trois informations qui vont finir en sexté jusqu'à 18h. Les 5 salariés d'Air France impliqués dans l'arrachage d'une chemise de DRH seront jugés au mois de mai. Pourtant les syndicalistes avaient prévenu leur DRH avant de passer à l'acte. Repartir comme t'es venu, une main devant, une main derrière, à poil. Le cinéma est le deuxième secteur le plus polluant de Californie, juste après l'industrie du pétrole. Alors quelques grosses productions tentent de réduire le bilan carbone pour faire smart. Comment c'était? Green, oui. Green, comment? Oh, super green. Aussi green que ça peut être. Green, Le Pirelli est à venir. Et oui, il ne déçoit jamais. Le fameux calendrier rhabille les filles et met en valeur des parcours. Cette fois, c'est Yoko Ono ou Patti Smith qui pose. Quoique Yoko Ono pose en barésie quand même. La pudeur, tu connais? Penses-tu? Elle s'en fout comme de ses premières garnitures. Et je suis accompagnée de celui qui les aime blondes, brunes ou ambrées, et si possible, à la pression, c'est Alex Vizorek. Mais oui, bonjour Charline Vallaud-Lacquer. Et aujourd'hui, autour de la table, une belle équipe à 17h20, celle qui connaît la musique sur le bout des doigts, sauf que quand c'est elle qui choisit les disques, moi je me les ronge. Les doigts, bonjour Mélanie Bauer. Bonjour, aujourd'hui en hommage à notre invité, ce sera les divas du Sénégal. Très bien, à 17h30, je vais continuer ma thématique main. Je dirais que lui, ce qu'il risque surtout, c'est d'en prendre une qu'il n'aurait pas vu venir, suite au fait qu'il aurait posé à quelqu'un une question que cette même personne n'aurait pas vu venir non plus. C'est Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors moi je me suis rendu ce matin à l'inauguration d'une œuvre d'art en marge de la COP21 et j'ai interrogé un artiste qui m'a tout expliqué. Toute leur énergie calorifique est transformée en unité d'énergie artistique. Bah, j'ai pas dit que j'avais compris, hein. J'ai dit que... Sur France Inter. Voilà, j'ai dit que le réalisateur faisait un AVC également. Voilà, on m'a tout expliqué. Il y a un clair problème d'alcoolisme à la régie. Et à 17h40, sa main, c'est le seul endroit que je peux baiser. Mais surtout, sa main, cela fait presque 2 ans que je la lui demande et que je n'ai que des revers. Bonjour Clara Dupont-Monoux. Bonjour Alex. De quoi allez-vous nous parler? Eh bien, le film Frankenstein vient de sortir au cinéma. Alors, focus sur le film le livre Frankenstein de Mary Shelley. Allez, aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est né sous sous Pétain. Vous êtes né sous Pétain. Ah bah bravo. C'est incroyable. Vous jouez. Alors on vous félicite pas. Vous avez connu la grand-mère de Guillaume. Non. On salue. Vous jouez dans Diva de Jean-Jacques Benex en 81. C'est l'année où la loi Lang, Jack Lang, instaure le prix unique du livre. Vous publiez votre premier roman, c'est Beau, une ville la nuit, en 88, quand François Mitterrand inaugure la pyramide du Louvre. Et vous recevez le César du meilleur acteur pour Le Grand Chemin en 97, quand Jacques Chirac décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Et vous, vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes... Mon nom. Oui, voilà. Dites-le. Richard. Richard, Boranger. Ah, c'est lui, ça. C'est vous. C'est moi. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Qu'est-ce qui me prouve d'abord que vous êtes vraiment Richard Boranger? Ah, ça. Oh, une voix, c'est vrai, déjà rien voilà. Qu'avec la voix. Regardez-vous ce que j'ai. Richard Boranger, vous êtes en ce moment au théâtre avec Romane Boranger dans 30 représentations exceptionnelles de J'avais un beau ballon rouge. C'est au théâtre de l'Atelier. Et comme c'est exceptionnel, c'est jusqu'au 3 janvier. Il faut y aller, il faut se dépêcher. Et allez-y. Alex Vizorek s'est dépêché d'y aller. J'y étais hier soir, monsieur Boranger. Et donc, nous sommes dans l'Italie des années 60. Et c'est une famille d'Italiens moyens dont on voit la vie pendant une dizaine d'années entre le père, la fille. Sauf que le père assiste à, comment dire, une prise de position politique de la fille. Oh, c'est un euphémisme, ça. Oui, mais c'est-à-dire qu'il la voit un petit peu se radicaliser, si on peut utiliser ce mot qui résonne différemment aujourd'hui. Et ma première question, c'est celle-là. La pièce a été créée en 2013. Est-ce que les réactions dans le public, au vu de l'actualité, ont changé? Non. Enfin, ça fait qu'une semaine qu'on a repris là. Au théâtre, mais non, je les sens toujours à la fin, je les sens toujours très, très, très touchés, très, très émus, très... Bon, après, si ça les questionne, comme on dit, je suis pas là pour le voir, mais non, il n'y a pas de... Ils écoutent. Ça, je peux vous le confirmer, mais c'est vrai que ça résonne évidemment fort, puisque votre fille, Romane Boranger, devient petit à petit membre des Brigades Rouges. C'est cela même. Amateur même. C'est cela même, oui. Et ça amène toute cette logique. Et vous, en tant que père, vous l'observez, de temps en temps vous la conseillez, mais jamais vous ne l'engueulez, je trouve. C'est parce que c'est ma fille. Mais quel est le regard de Richard Boranger sur son personnage qui voit évoluer sa fille comme ça? C'est-à-dire que moi j'ai des enfants, j'ai des grands et... Et c'est des plus jeunes, et avec le grand, le fils aîné, j'ai vécu des choses assez totales, assez bouleversantes et totales. Ça veut dire qu'on a beaucoup voyagé ensemble, on a vécu la Mauritanie, le Sahel, le Mali, tout ça, le Sénégal. On avait une association pour les enfants de la rue. Donc on a vécu des trucs que dans des pays à forte tendance musulmane, mais on a vécu un quotidien musulman, je veux dire, tout simple, tout... Bah, derrière, il y avait peut-être certainement des gens moins sympas, oui, je sais pas. Toujours est-il qu'on a vécu des trucs très forts et qu'il a été... souvent il était très révolté, révolté. Et c'est ça parce que les deux sont proches, elle parle beaucoup avec son père, elle lui explique qu'elle devient sociologue, elle lui explique qu'elle devient idéologue, elle lui explique qu'elle fonde les Brigades Rouges, elle essaye de lui cacher certaines choses d'ailleurs parce que ça l'ennuie que son père voit en elle cette révolutionnaire, elle veut rester aussi sa fille. Et donc vous qui avez quand même toujours été proche aussi j'imagine de Romane, quel est le regard que vous avez sur cet homme-là qui laisse faire un peu, je trouve? Vous m'en demandez beaucoup. Là. Peut-être la question, c'est dans ces cas-là, est-ce que le père peut entrer en confrontation ou pas? Est-ce que vous êtes en confrontation avec ce qu'elle devient ou pas? Ah ben je le suis. Justement. Oui, je le suis dans la pièce. Bien sûr, je le suis. Bien sûr, je peux pas accepter les bombes. Je peux pas accepter l'innocence. Je peux pas accepter tous ces trucs-là, c'est sûr. Mais... Il reste impuissant face à la radicalisation de sa fille au sein des Brigades Rouges. Totalement impuissant, totalement. Il est est toujours le père, il est toujours le père aimé, il est toujours, il n'y a rien n'est remis en cause là-dessus, mais simplement elle est partie ailleurs et... Et on peut rien faire dans ces cas-là. Raisonner, comment raisonne-t-on? Bah, je sais pas moi. Dans le texte, dans le texte de la pièce. Mais dans le texte, j'y arrive pas non plus. Je lui explique pourtant que je lui avais appris. Il y a une phrase assez formidable que j'ai beaucoup de mal d'ailleurs tous les soirs à dire. C'est quand j'ai dit étant petit, tu croyais t'avoir appris l'humilité, le respect et la crainte de Dieu. Et ça, je dois avouer que... C'est un rôle de composition. Ouais, ouais, on sent bien. Mais il y a une importance de la religion catholique, évidemment, sur le père. C'est un catho, sympa. Qui discute avec le prêtre. Non, il a la foi, c'est tout. Et comme je peux le comprendre, c'est un truc que je comprends, qu'on ait la foi. Je suis pas un dangereux... laïque. Justement, elle a la foi dans la révolution. Elle a une grande foi dans la révolution. C'est une foi, c'est quelque chose de tellement ancré que c'est difficile de rentrer. Puis elle est tombée sur un raisonnement avec ces personnes. Elle est tombée sur un lascar qui a su certainement la prendre par les sentiments. Il y a des parallèles qui résonnent. Il y a l'amour de Renato Curcio, qui est un des fondateurs des Brigades Rouges, qui est toujours vivant parce que c'est inspiré de faits réels, cette pièce-là. Ben évidemment, oui. Enfin, évidemment. Non, mais c'est-à-dire que... Il est con, Non, mais... Excusez-le. Tu peux le dire. C'est des noms qui ne résonnent pas à l'oreille de tout le monde comme étant Margarita Curcio. Moi, je ne la connaissais pas. D'abord, avant d'être Margarita Curcio, c'est Margarita Cagol. Hein. Très bien. Le père ressort, c'est bon. Renato Curcio, moi je l'ai pas la bonne. Oui. Et vous êtes bien inspiré. Richard Boringer dans J'avais un beau ballon rouge avec Romane Boringer. C'est au théâtre de l'Atelier jusqu'au 3 janvier. Vous êtes sur France Inter et Richard Boringer est notre invité. Jusqu'à 18h, on parle actualité et un peu blague aussi. Oh oui, parce que. Je te remercie de m'avoir branché comme ça. You keep preaching about heaven and glory, but on your face it shows a different story. Clean up your act, your story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. I can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of bull weaver. Same old game, you never change. Always rapping about the same old thing. Blowing minds is the thing of the past. You blew your chance, that's why it never lasts. You wanna be a graduated lover, but in reality you're just another brother. Think you slick, but you can stand a little greasing. The things you do ain't never really pleasing. I can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weaver. Yourself up on a big stool. Nothing worse than an educated fool. Talking sex is your favorite conversation, but peace and love is the thing this generation. What's in your head has really started showing. Your conversation is getting kind of boring. You're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weaver. Same old thing, you never change. Always laughing about the same old thing. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. C'est Tina Turner sur France Inter avec Richard Boringer jusqu'à 18h. Et autour de cette table... Eh bien, nous avons Clara Dupont-Moulin, nous avons Mélanie Bauer et Guillaume Meurice qui a parlé art contemporain. Oui. Mais ça, c'est pour dans une dizaine de minutes. Eh oui, eh bien, écoutez, je rappelle quand même que Richard Boringer avec J'avais un beau ballon rouge est au théâtre de l'Atelier jusqu'au 3 janvier. Et là, nous allons faire un journal. Ça va être énorme. Ça va être... Ça va être facile, puisqu'on n'a qu'un exemplaire, on vous dit tout. Donc... Voilà, c'est la radio publique, il n'y a plus de pognon, il n'y a même plus de feu dans l'imprimante. Mais où avez-vous la tête? Envoyez vos dons à la Radio France et à Bernard Tapie, si vous avez besoin d'argent. Alors, en manque de papier, envoyez-nous vos dons, mais ainsi qu'à Bernard Tapie. Le allez. Contenu est de qualité. C'est parti. Bon, allez, à Bruxelles, j'ai pris le train. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence avec les titres. Un journal de professionnels. Alors, rebondissement dans l'affaire de la thalassothérapie du roi des Belges. Karim Benzema prétend être en possession d'une sextape dans le sauna. Karim Benzema qui... je dénonce. Elle a retrouvé sa feuille qu'elle avait prise avec. Karim Benzema qui hier s'est exprimé sur TF1. Son ami aurait appelé Gilles Boulot pour lui demander 100 000 euros pour cet entretien. Il y aura des brèves tellement croustillantes qu'elles en deviendront des affaires sensibles. Nicolas Sarkozy a déclaré, je cite, « J'ai approuvé le principe de l'intervention en Syrie parce que nous ne pouvons pas laisser la Syrie dériver parce que la Méditerranée, c'est notre banlieue. » La Méditerranée, c'est notre banlieue. Quand il va s'attaquer à la Méditerranée au Karcher, il risque de ne plus avoir pied. Passons à l'affaire de la sextape. Oui. Pierre Karim Benzema était interviewé sur TF1. Oui, et il a déclaré... J'espère que ça va bien se terminer. Voilà, bien sûr, ben on espère tous, évidemment, Karim. Et puis, on lui a demandé ses ambitions pour l'euro. J'espère que ça va bien se terminer. Voilà, et enfin, on lui a demandé ce qu'il avait pensé quand il a regardé lui-même la sextape de Mathieu Valbuena. J'espère que ça va bien se terminer. Bah oui, nous aussi. International. Oui, États-Unis. Une fusillade dans un centre de planning familial au Colorado fait plusieurs morts. Le tireur serait opposé à l'avortement. Espérons pour elle que Marion Maréchal Le Pen a un alibi. Exactement. Passons à l'Afrique du Sud. Oscar Pistorius est finalement condamné en appel pour meurtre. Et vous savez quoi ? Contrairement à ce que vous pensez, on ne fera aucun jeu de mots sur le sujet. Ça vous fait les pierres. Merde. Passons à deux études amusantes sur la famille. Oui, apparemment, grandir avec une sœur apporterait plus de bonheur. Et Éric Zemmour est enfant unique. Merde, moi aussi. Alors, autre constatation, dans une famille à plusieurs enfants, l'aîné serait en moyenne le plus intelligent. Voilà, et on note que chez les Sarkozy, Nicolas est le deuxième, et chez les Le Pen, Marine est la troisième. Passons aux brèves. Oui. Loire-Atlantique, 32 tronçonneuses dérobées en une nuit. Et ça sent clairement les signes d'un attentat commandité en Syrie. Vous en avez une autre comme ça ? Jeu de mots. Attendez, parce que Clara n'a pas compris, est-ce qu'on peut s'arrêter ? Syrie, j'ai compris, Guillaume M. Attention. M le maudit. Vous en avez une autre ? Bien sûr que j'en ai une autre. Haute-Loire. Le voleur trahi par son slip dans une usine de saucissons. Ah, alors là, je pense qu'il va falloir expliquer. Allez. Oui, c'est pas clair. Et même moi, quand j'ai lu, j'ai pas tout compris. Pour moi, c'est clairement une affaire sensible. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, un cas rare dans les annales du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay, une affaire qui a laissé des traces et pour cause, c'est l'affaire dite du slip oublié dans une usine de saucisses. C'est l'histoire d'une distraction qui aura coûté cher. Nous sommes en septembre 2013. Les gendarmes de Monistrol-sur-Loire se rendent dans une usine de saucissons. Et là, un élément va considérablement faciliter l'enquête. Un slip, oui, un slip laissé sur place par un voleur. Les recherches ADN sont lancées, elles permettent immédiatement de confondre le coupable. Restent cependant des questions. Pourquoi retirer son slip en plein larcin ? Pourquoi cet exhibitionnisme devant des étagères de saucissons ? Et surtout, pourquoi ne pas porter de caleçon ? Fabrice Drouet. Fabrice Drouet, on l'a entendu. Merci à lui, merci aussi à Frédéric Fromet qui a collaboré toute cette semaine à l'écriture de ce journal de 17h17 que nous avions en deux exemplaires. Et merci à Alex Vizorek qui avait bien pensé à l'imprimer et c'est moi qui l'avais caché. Oh voilà. Mais on est une équipe. Oh oui, on est une équipe. Richard Moringer. Une belle équipe de branquignoles, mais une équipe quand même. Je suis stupéfait par la somme de travail que tout ça représente. On dirait pas comme ça. Hein. C'est terrible. Non, mais c'est histoire de saucisson là. C'est une histoire vraie, Richard. Oui, bah oui, on l'a pas. Bah oui, oui, oui. Oui, pourquoi ? Qui publie son slip ? Mais pourquoi ? Ah, bah mais oui, non, mais pourquoi ? Là, vous le saurez la semaine prochaine, non, c'est ça ? Exactement. Oui. Je pense que Fabrice Drouet va s'en emparer dans son émission. Bien qu'il vas-y, Fabrice. Allez, on va aborder avec vous le premier sujet, Richard Boringer, puisqu'on refait le monde. Hein, donc vous l'avez compris. Premier sujet, 5 salariés d'Air France sont poursuivis pour violence sur des cadres et des vigiles suite au fameux comité d'entreprise à base d'arrachage de chemises de DRH. Oui, hein, vous rappelez ? Oui. Se sont présentés hier devant le tribunal, juste histoire de fixer l'audience. Alors rappelons qu'au départ de l'affaire, les syndicats entendaient défendre 3 000 emplois menacés chez Air France. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici le commandant. Good evening, ladies and gentlemen. This is the captain. Nous vous informons les voyageurs qui ont tout perdu, qui sont ruinés par la crise, qui croulent sous les crédits. For those people qui have perdu todos les sous-sous à cause de la crisis, que la porte arrière gauche de l'appareil restera ouverte pendant le vol, qui est possibilé jump out of la puerta if you are ruinado. PNC aux portes, armement des toboggans. Je te laisse aux commandes, Michel. Moi, je vais sauter là. C'était donc Fred Testo dans le SAV. Ça paraît tellement vrai. Je vais autant en rire là dans ces cas-là, hein, ouais, franchement. Alors, il y a aussi une violence de l'entreprise qui presse les employés avant de les jeter et qui déclenche un début de jusqu'où. Au boutisme et parfois d'une forme de radicalisation évidemment de certains salariés. Alors est-ce que c'est un climat qui à son niveau, évidemment toute proportion gardée, fait un peu penser aussi à l'esprit qu'il y a dans votre pièce, Richard Bohringer? Oh, les patrons sur les employés. Forme de lutte des classes, de radicalisation. Oui, mais il y a forcément. Hein, alors, il y a une radicalisation des deux côtés, peut-être. Forcément, puis c'est un DHR, quand même, hein, mm-hmm. Ou un DRH. On peut mettre les deux, parce que enfin, et il faut surtout qu'il achète des chemises en bonne qualité. Coton, on ne peut pas mettre dans tous les sens, Kevlar, parce que même, si c'est un DHR, c'est un directeur humain des ressources. Ah oui, non, ça ne marche pas. Et c'est différent. Directeur humain des ressources. Ressources humaines, oui. Bon, moi, j'en ai eu un comme patron. J'en ai gardé un très mauvais souvenir. Ah bon? Voilà, donc. C'était qui comme patron? Ah non! Ah non, cher ami! Richard Bohringer, vous auriez fait un fameux syndicaliste, non? Si vous aviez dû travailler en entreprise, vous auriez été de ceux qui militent et qui manifestent. Je pense, ouais, je pense. Bien sûr. La violence, elle est des deux côtés ou pas? La violence, elle commence déjà, sans faire de démago, elle commence déjà quand tu perds ton boulot, parce qu'il y a une réduction de trucs et que. Il y a peut-être des gens qui peuvent prendre ça pour des vacances, et puis il y en a d'autres, c'est la croûte, quoi, carrément. Quoi. C'est une des choses que votre personnage ne comprend pas chez sa fille dans la pièce. C'est pas tant son idéal que ses façons de faire, parce qu'il lui reproche les prises d'otages, il lui reproche « on ne met pas des bombes », dit-il à un moment. Et ici, on est dans un cas, qui faut-il juger par rapport à l'histoire de la chemise? Oh, vous savez, l'histoire de la chemise... Elle a fait le tour du monde, cette histoire. Oui, mais l'histoire de la chemise, c'est malencontreux. Elle s'est déchirée. C'est un problème de textile. C'est un problème de textile. Si ça se trouve, il y a un défaut de fabrication. Je ne vois pas où est la violence, là. Ou alors, adressons-nous directement aux fabricants. Qui viennent sur ce plateau. Mais on ne sait pas, mais si ça se trouve, il y avait un accro et bim. Mais non, mais ça, la justice va devoir le déterminer. C'est vrai, voilà, les gars qui... C'est vrai que ça fait fort dans cette société-là. Mise à pied, les machins, les trucs... Mais finalement, peut-être la radicalisation est des deux côtés. On devient un peu radical parce que l'esprit s'échauffe, mais s'il y a peut-être une radicalisation... Non, d'un côté, il n'y a pas la colère. Il n'y a pas la colère. On vire rarement les patrons, hein, ou les chefs. Hein. Ou alors, ils partent avec un petit paquet de pognon. Ouais, voilà. Ils partent avec que dalle, les mecs. Alors. Et là, dans le parachute, il vaut mieux pas avoir d'accro. On la doit lever à droite. Est-ce que vous diriez que cette violence de la chemise est en fait le résultat de dizaines de violences déjà accumulées avant et engrangées par les gens? Il fait qu'à un moment, il y a un effet de soupape qui saute, quoi. Je crois que c'est un malentendu. Sur un malentendu, ça peut marcher, c'est ça? C'est un attentat à la pudeur. C'est un malentendu. Écoutez Benzema, vous verrez. C'est, voilà, c'est en un tout malentendu. Cas, sur les salariés. Donc, non, non, mais c'est un malentendu. Cette chemise, elle s'est déchirée. Il le tenait un peu fort. Il voulait le pousser à bouffer au cochon. Écoutez, bon, j'espère que l'avocat des salariés nous entend, parce qu'ils vont devoir passer devant la justice au mois de mai. Et 4 ont été licenciés déjà pour faute lourde, mais ont exercé un recours gracieux. Et l'un des 4 salariés s'est vu confirmer le licenciement. Donc ça va loin. Ça fait un licenciement de plus. Il y en avait 3000, ça fait 3001. C'est beaucoup. Ouais. Mélanie Bauer, prenons un peu de distance. Oui, merci. Notamment culturelle, mais aussi géographique avec vous, en l'honneur de notre invité Richard Bohringer. Oui, mon premier souvenir de Richard Bohringer se passe à la Gingras, celui des petites filles qui pleurent et c'est diva. Ce film pose la question, bien avant Internet, du piratage. Peut-on s'approprier une œuvre, prendre à quelqu'un le fruit de son travail travail sans rien ne lui donner en échange, si ce n'est son admiration. Une fois de plus, c'est prouvé, la propriété, c'est du vol, même si motivé par l'amour. Dans ce film césarisé de Benex, on découvre un objet de désir quasi mystique, la voix de la soprano, Wilhelmina Wiggins Fernandez. On perdrait sa chemise. Mais comme nous ne sommes plus en 1981, mais bel et bien en 2015, et que je ne pleure plus en tapant du pied, je vous propose d'autres divas ébènes du pays du Lion Rouge, le Sénégal, terre de musique et de femmes fascinantes. Et une question qui déchire les internautes sur les forums africains: qui est la plus grande diva du Sénégal? En lice, Kumba Gualo, la voix d'or du Sénégal, chanteuse griotte et engagée qui marque les esprits avec sa chanson anti-apartheid Soweto. Chez nous, on la connaît grâce à un tube un peu plus pop sur son album Yobalé, enregistré avec Patrick Bruel en 1999. Ah, c'est la faute. Pata Pata. Oh, j'ai pris un coup là. J'ai pris un coup ethnique. Attendez, c'est la première, il y en a d'autres après. Oh, c'était un énorme tube. J'ai l'impression que Richard Borgé ne reconnaît pas son Sénégal. Deuxième choix, la super étoile de Dakar, Viviane Chidid, ancienne choriste de Youssou N'Dour. Celle qui a chanté Eko Bispo. La connaît bien. Épouse de son frère Bouba N'Dour, Viviane est une femme libre hein, qui se sépare en 2007, se remarie avec le même homme en 2010, puis redivorce en 2011. Elle a du tempérament. Après sa tournée avec Youssou N'Dour et Néné Chéri pour Seven Seconds, elle crée son propre groupe baptisé le Jollof Band, puis poursuit sa carrière en solo et devient reine du Mbalax. Troisième option chez les divas du Sénégal, Ndié Fatou Tiné, plus connue sous le nom de Titi, ennemie jurée de Viviane, hein, celle qui chante en ce moment. Titi, qui m'a plutôt l'air d'être un gros minet, hein, c'est une femme forte qui déclare à propos de son dernier disque: c'est avec mes propres moyens que j'ai réalisé cet album, je ne fais partie d'aucun label, j'ai des personnes qui m'aident un peu sur le plan musical, sinon la partie financière me revient et je suis fière d'avancer avec mes propres moyens, sans aucune aide, je prends mon destin en main et je vole de mes propres ailes. Lidongla, lirekla, akumumanato. Lidongla, nirekla, hamaliaw, lingato, molatigue. C'est parti. Enfin, il y a, c'est ma préférée, moi, je crois, Adiouza, avec son frère Cherlo Ouza Diallo, pianiste et chanteur. Elle découvre le jazz et devient l'intellectuelle de la famille. Elle étudie l'ethnomusicologie à Paris en 2004. Au conservatoire de L'Aile et Rose, elle prend des cours de solfège, de piano, de batterie et de guitare. Adiouza est notamment célèbre pour sa reprise en version Mbalax de Carmen, un hymne à la liberté de choix pour la femme africaine. Ça vise oreilles. Oui, j'ai reconnu, ça va marcher ça. Alors, cerise sur le gâteau, au Sénégal, il y a aussi DJ Zena. C'est une jeune artiste DJ qui est considérée comme la première femme DJ en Afrique de l'Ouest. Elle est toute jeune et sacrément douée, DJ Zena. Elle scratch sur du vinyle. Bien sûr. Non mais c'est très sa tête que ça scratch. Voilà, alors avant de définir avec vous qui est la plus grande diva du Sénégal, un dernier titre, une artiste qui enflamme les cœurs des mélomanes. Julia Sarr, elle est née à Dakar, mais elle vit en France depuis plus de 25 ans. Elle a fait ses preuves avec les plus grandes stars africaines, Lokua Kanza, Richard Bona, Youssou N'Dour, Salif Keita, etc. Elle a également écrit pour une autre diva, Myriam Makeba. Son dernier album est un disque d'afro-jazz qui explore les thèmes toujours de la condition de la femme, de l'exil des enfants et de l'amour. Julia Sarr. Adjana, merci Mélanie Bauer de nous avoir fait découvrir. Alors cette vous chanteuse savez, sénégalaise. C'est qui la plus grande diva pour vous? Vous avez tout oublié ou vous en avez gardé une? De toutes les divas? La 3. La Carmen. Elle était belle, la Carmen. Adiusa. Vous savez, le Mbalax, c'est une musique extrêmement, extrêmement populaire. C'est une maison de la rue, c'est une maison des fêtes dans la rue. Oui, c'est une musique traditionnelle au départ. Très, très. Donc, quand on l'a vécu, c'est vrai que tout ce qu'on fait après en disque, je trouve ça toujours très aérien, toujours... Bon, mais la grosse patate, parce que tous ces instruments de percussion, ils sont extrêmement là, ils sont temporisés, ils sont... Tout ça est enveloppé, quoi. Mais quand... Je vous ai vu taper des doigts, quand même. Oui, mais parce que je tape des doigts tout le temps, moi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai. Richard Boranger, très sensible aussi, plutôt à la musique malienne, au Malien. Oui, non, mais la musique sénégalaise, Mbalax, c'est vraiment, vraiment une très grande musique populaire sénégalaise. Et, mais c'est plus âpre que ça, c'est plus sensuel. Ah oui, que si, ça. Là, c'est là, le feutré du studio. On fait la sensualité, non. Côté un peu c'est la prise des de divas, son, c'est hein. Des femmes, ouais, c'est des stars de la pop. Ouais. La chronique de Mélanie, c'était de la merde, on peut le dire. Non, elle a raison de soulever le problème de ce côté-là. Mais comme ça, le côté feutré permet à Julia Sarr de passer sur les radios, notamment sur France Inter. Voilà. Merci Mélanie Bauer. Et on rappelle aussi que l'Afrique dans nos cœurs, c'est l'Afrique en solo aussi. Bien sur sûr. France Inter, le dimanche à 22h, avec Soro Solo. Mm-hmm. Et oui. Guillaume Meurice, oui, bah oui. Montrez à Richard Boranger ce que vous savez faire. C'est le moment, Meurice. Alors moi, je vais vous parler de la COP21. Je voulais remercier d'abord Mélanie. Quand même. Allez-y, pour se mettre avant ma chronique. Merci Mélanie, on vous remercie tous. Ouais, bon. Oui, ce serait la moindre des choses. Mais oui, bah, vous avez bien raison. Moi aussi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. On a un nouveau DRH. Bon, je vais vous parler de la COP21. J'espère qu'elle est bio, la COP21, parce qu'on en bouffe un maximum en ce moment. On le sait par cœur, le danger du réchauffement climatique, c'est la montée du niveau des océans. Ce qui arrange bien Clara Dupont-Mono, hein, d'ailleurs, notre baronne en carton. Breton qui verra sa résidence secondaire à La Courneuve se retrouver à 200 mètres de la plage. En même temps, vu votre ton glacial avec Alex, on ne peut pas dire que vous participez activement au réchauffement climatique. C'est tout là, Guillaume, c'est une chronique sur moi ou sur la COP21? Et puisque je parle de choses froides, je vais vous parler iceberg. Parce que figurez-vous qu'un artiste danois, Olafur, le bien mal prénommé Eliasson, a eu la bonne idée de réunir 12 morceaux d'iceberg devant le Panthéon pour symboliser une horloge. L'inauguration avait lieu ce matin. Elle s'appelle Ice Watch et j'ai demandé à un de ses collègues, l'artiste contemporain plasticien Yann Thomas, de nous décrypter cette œuvre. Alors je vous rappelle qu'on parle de 12 bouts de glace posés sur une place. Elle nous rappelle que nous devons en permanence puiser dans les forces internes et dans la circulation de l'énergie qui est en nous. Et c'est pour cela que finalement, si nos corps réagissent d'une certaine manière par rapport à un environnement qui nous est étranger, celui des icebergs, ici sur la place de la Sorbonne. Bon, alors loupé, parce qu'on était place du Panthéon, mais bon, on le sait, les artistes contemporains sont un petit peu ailleurs. Mais vous avez entendu, hein, dans le ton, on a reconnu une sorte de Manoukian de l'art contemporain. Il était à deux doigts de parler de respiration anale des icebergs, le gars. Mais qu'est-ce qui est vraiment important dans cette œuvre ? C'est l'écoute des icebergs que je trouve important. C'est-à-dire qu'il faut réussir à se mettre en résonance avec les icebergs, en circularité. Alors attendez, qu'est-ce que c'est la circularité des icebergs ? Eh bien, et l'iceberg compose des sortes de cercles indirectement par rapport à la fixité que nous représentons. Nous sommes ancrés dans nos axes. Oui, alors ça, je confirme. Hein, confirme certains plus que d'autres. Je vous disais encore ce matin, Alex, mais qu'est-ce que vous êtes ancré dans votre axe ? Mais c'est pas possible, quoi. C'est peut-être ça qui déplaît à Clara. Hein. Clara, on le sait, elle aime la mobilité, tout ce qui est patin à roulettes, skateboard, le vélib. Elle aime la circularité. Prenez exemple sur l'iceberg, Alex, il a une belle circularité. Et Clara Dupont-Mono me jette des objets contondants. Bref, il bouge, l'iceberg, il est comment ? L'iceberg, lui, est flottant. Et donc, c'est ouais, ce des roulades, des fois. Hein. Faites des roulades. Ben voilà, alors, si on arrivait à flotter ensemble avec l'iceberg, et si on arrivait non pas à lui faire faire des roulades, mais que nous puissions faire des roulades sur les icebergs en toute confiance, je crois que ça serait gagné pour nous. Et oui, évidemment. Et là, on atteint le cœur du sujet, hein, le sens même de cette COP21. Bah ouais, le mec qui... est givré. Voilà. Oh là là là là. Bravo. Disqualification. On sent que Frédéric Fromet a travaillé avec nous toute la semaine. Bref, on parle donc roulade hein, à la COP21. Des conférences se tiennent en ce moment même sur les roulades. Certains sont plus favorables à la galipette sur banquise. Les Belges, vous parlez de cumulet, paraît-il. Les débats sont très vifs. Est-ce que lui-même fait des roulades sur les icebergs ? J'en ai fait. C'est vrai ? Oui, quand j'étais enfant, j'ai fait des roulades sur un iceberg. Oui, oui. Et d'ailleurs, j'aimais beaucoup ça. Oui. J'aurais voulu, comme Olafur, en avoir un chez moi. Mais je pense que si on avait chacun des icebergs chez nous, il n'y aurait plus de Groenland. Voilà. D'ailleurs, je vous le dis, si vous allez visiter le Groenland, arrêtez de ramener des icebergs. C'est chiant. Il n'y en a plus chez eux. Laissez-les vivre dans leur milieu naturel. Ou alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez en recréer chez vous. Hein. Les amateurs de Ricard connaissent bien ça. Moi-même, j'en ai quelques-uns hein, chez moi. Je l'ai même confié à Yann Thomas. Il y en a dans votre frigo. Des petits icebergs. Dans mon congélo. Oui, c'est vrai. Alors, peut-être qu'on pourrait faire un compromis. Je veux bien faire des roulades chez vous. Oui, alors attends, je crois que ça va un tout petit peu trop vite entre nous, Yann. Il est chaud comme la braise, le Yannou. Hein. C'est pas très bon pour le climat, d'ailleurs. Calme-toi. Et revenons à l'artistique. Qu'est-ce que Yann Thomas prépare de son côté pour la COP21 ? Ben moi, je prépare une œuvre à la Tour Eiffel pour la semaine prochaine qui s'appelle Human Energy. Et je vais mobiliser 75 millions de personnes à la Tour Eiffel. Oula, alors 75 millions de personnes à la Tour Eiffel, c'est beaucoup. Surtout en état d'urgence. Oui, ouais, on vous déconseille fortement d'aller circuler en voiture à la Tour Eiffel ces prochains jours. Hein. Il y aura des difficultés. Et puis 75 millions, c'est surtout 10 millions de plus que la population française. Il va falloir faire venir des migrants. Ça ne va pas plaire à Jean-Marie Le Pen. Hein. Déjà qu'Iceberg, ça ressemblait à un nom juif. Il faisait un petit peu la gueule. Mais enfin bref, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la future œuvre de Yann Thomas. Est-ce que pour conclure, il peut nous en dire plus ? Tous les tweets de la COP21 sont aussi renvoyés au premier étage de la Tour Eiffel. Tout ça crée un alignement en fait, de numéros, de chiffres, en fait, d'énergie artistique. Et cette énergie artistique est envoyée à la cime de la Tour Eiffel et donc transformée en 24 faisceaux qui vont rayonner dans tout Paris. Et ça, donc, ça va bouffer de l'électricité ? Ah non, parce que en fait, cette énergie, justement, il y aura aussi un bilan positif. Oui, il y aura certainement ont un bilan carbone très positif, contrairement à votre bilan avec Lara, hein, cher Alex, qui n'est pas très très positif. En tout cas, continuez à vous prendre des vents, au moins ça fait de l'énergie renouvelable. Merci Guillaume Meurice. Je voyais Richard Boranger faire du vent avec votre main, ça vous semblait bizarre. C'est ce que je viens d'entendre, c'est fort, fort, fort. Ah oui, c'est fort. C'est fort. J'ai l'impression que vous êtes vachement ancré dans votre axe, hein. Mais moi j'aime bien le réchauffer. Tu fais des nouilles la veille, tu les remets le lendemain. C'est vrai que c'est meilleur. Mais c'est pas très COP21, ça, Richard. Ah bon. Ben voilà. On va parler cuisine ou comment on fait On parlait popote, pardon. Mais oui, alors vous, votre popote, c'est que vous serez à Mulhouse vendredi et samedi. Mais oui. Mardi à Paris, à la Nouvelle Scène. Viserec, vous avez quelque chose à annoncer? Je vais bientôt à Lille, des choses comme ça, tout ça, on peut le dire. Oui, si vous voulez. Je vais en Suisse ce week-end, voilà. Je vais jouer au Locle. Voilà. Ah, très c'est bien. Joli, le Locle. C'est à Gland? Non, c'est pas loin. Et Richard Boranger est notre invité. Bah oui, et lui, c'est J'avais un beau ballon rouge avec Roman Boranger au théâtre de l'Atelier jusqu'au 3 janvier. Tiens, de nature, d'environnement, il en est question dans le sujet 2. Pour 7 secondes d'une explosion spectaculaire au cinéma dans le dernier James Bond, il a fallu employer 8500 litres de kérosène. Autant vous dire que le cinéma hollywoodien n'est pas très COP21. Voici comment ça s'est passé d'ailleurs avant le tournage du film La Plage, au hasard par exemple. La connais-moi les gars, ils vont nous nettoyer le secteur en moins de 2 pistons, tu vas voir ça. Est-ce que tu sens? Quoi? Le napalm, fils! Y'a rien qui sente bon comme ce truc-là! J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Une fois, on avait lâché une chiée de bombe, arrosée pendant 12 heures de rang, et quand on est allé voir, ça emboumait! Toute cette essence, ça sentait bon! La colline sentait! Ça fleurait! La victoire, quoi! Vous avez reconnu Richard Boranger, l'extrait du film? La grande vadrouille. Ah oui. Apocalypse Now. Ah oui, alors je vous ai donné l'exemple. Je suis tellement sidéré par cette profusion de messages, d'inventions, d'histoires. Mais non, mais c'était, oui, le monde bouge. Ah non, bouge, mais ça, je reviendrai. Ah, vous en prenez plein la gueule. Ah voilà, là. Par exemple, mais le James Bond, 8500 litres de kérosène pour faire une explosion de 7 secondes au cinéma. Je vous donne l'exemple de La Plage avec Leonardo DiCaprio, où la production a trouvé que l'île thaïlandaise avait un peu trop de relief pour faire une plage paradisiaque. Et donc, ils ont rasé les dunes à coups de bulldozer. Est-ce que ça mérite qu'on en planté, arrive là? Et planter une centaine de palmiers tout propres avec l'accord des autorités. Si oui, mais alors après, bon, oui, d'accord. Ah, oui, on choisit les informations. Non, mais alors après, oui, mais ils viennent d'où les palmiers? Hein, bon, alors, on les implante comme et ça. Et ils sont bio. Si ça tombe sur Monsanto, on ne sait pas. Non, mais attendez. Oui, bon, Richard, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bim. Non, mais je veux dire, non. C'est bon, on se sent pas un peu dépassé. C'est comme ça. Moi, je trouve ça un peu tragique quand même. De déglinguer tout pour faire 10 minutes de film. Mais bien sûr. Selon vous, un beau James Bond ne vaut pas quelques entorses au dogme vert? C'est pas des entorses, quand même. C'est les gros. C'est comme la bombe atomique à Tahiti, hein, c'est pareil. Les essais nucléaires. Oui, mais c'est. Je veux dire, oui, c'est loin, il y a un beau champignon. Et puis l'année d'après. Non, mais là, il y a beaucoup de casques pour le spectacle, non? Non, voilà. Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'en va pas aussi de la créativité du metteur en scène? Oui. De pas tout montrer et de parfois suggérer les choses et donc de ouais, mais suggérer, c'est bien plus difficile que de montrer. Vaut mieux déglinguer un acteur. Mais oui, c'est bien plus difficile. Il faut beaucoup, beaucoup de talent pour suggérer. Il dit, mais oui. Plus intéressant. Et voilà, mais c'est vrai. Bah oui. C'est une belle conclusion. Alex n'est pas un homme de suggestion. C'est une belle conclusion au sujet. Oui, le talent, c'est de suggérer. Et là, manifestement, c'est les gros sabots. Clara Dupont-Mono, vos escarpins, vous conduisent à la littérature, sur l'échelle de votre bibliothèque. Oui, je n'ai pas tout compris dans les escarpins, les palmiers. Mais... Transition à base de chaussures. Cendrillon, Blanche-Neige. C'est un peu ça avec Clara Dupont-Mono. Oui, parce que l'actualité, Charline, vous l'avez dit, c'est aussi un peu de culture, avec notamment la sortie du film Docteur Frankenstein, qui est en salle depuis une semaine. Vous adorez Richard Boranger. J'adore le bouquin. Nous sommes deux. Eh bien, justement, pourquoi ce film, me demandez-vous, pas vous, je vous exclus, mais vous, autour de cette table, non, nous, on me demandez-vous fout. D'un air ébahi, mais néanmoins avide. Eh bien, parce que Frankenstein a été inventé par une femme exceptionnelle, j'ai nommé Mary Shelley. Mary Shelley a publié le roman Frankenstein ou le Prométhée moderne en 1818, à une époque où, grosso modo, tailler ses rosiers ou préparer un ragoût était quand même considéré comme le sommet de l'indépendance féminine. D'ailleurs, Mary Shelley, elle est mariée à un écrivain qui s'appelle Percy Shelley, qu'elle aime profondément, mais à qui elle n'a jamais sacrifié son imaginaire. Et elle a écrit « Mes rêves étaient tous à moi, je m'en rendais compte à personne ». Ce qui est une assez belle phrase quand même, au début du 19e siècle, de la part d'une femme qui souhaite avoir son indépendance. Et puis, un jour de pluie, dans une belle maison en Suisse, Mary Shelley s'ennuie. Bon, alors le temps passe, la soirée s'écoule, il y a des amis, il y a son mari, elle va se coucher. Et alors qu'elle est allongée, elle a d'un coup, je cite, « une vision mentale très aiguë ». Et qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit un homme agenouillé au pied de son lit qui essaie d'assembler une créature qui ressemble un petit peu à Guillaume Meurice, mais ça, ça n'est pas dit. Et la créature se met à bouger. C'est intéressant parce que la littérature, elle est souvent affaire de fulgurance et pas seulement physique, Alex. C'est un accident de fiacre qui a poussé Pascal, finalement, à se mettre à écrire, le grand écrivain Pascal. Et bien, c'est cette vision qui pousse Mary Shelley et qui la laisse tétanisée devant donc cette espèce de fulgurance. Elle est tétanisée, mais en même temps, elle pense, je cite encore, « je l'ai trouvé ». Et elle parle de quoi ? Elle parle de son histoire. En fait, elle a trouvé son histoire. Tout ce que je vous raconte, elle le raconte elle-même dans la préface de ce qui va être son grand livre, qui est donc Frankenstein, puisqu'elle va se mettre à son bureau aussitôt après cette vision. Elle sera encouragée d'ailleurs par son mari, qui trouve que l'idée est géniale. À ce moment-là, quand elle se met à écrire, elle a un but, un seul, et je la cite, elle dit « ce qui m'a terrifiée en terrifiera d'autres ». Et c'est comme ça que naît Frankenstein. Alors, pour rappel, Victor Frankenstein, c'est le créateur du monstre, mais ce n'est pas le monstre lui-même. Souvent aujourd'hui, quand on dit un Frankenstein, on pense que c'est le monstre. Eh bien non, c'est le docteur Frankenstein, c'est le fabricant du monstre. Et voilà qu'arrive ensuite, pour moi, le plus intéressant et qui montre toute la magie souterraine de la littérature, c'est que Mary Shelley, elle a eu 4 enfants et elle en a enterré 3. Bon, c'est beaucoup. Et en plus, tous les 3 avant l'âge de 3 ans. Or, elle écrit l'histoire d'un créateur qui voit affolé sa créature lui échapper. Exactement comme Marie a vu ses enfants lui échapper. Et quand Victor Frankenstein dit dans le livre, je cite, « le poids du désespoir opprimait mon cœur. La désolation de ce foyer naguère si souriant, voilà ce qu'avaient fait mes mains 3 fois maudites. » On peut penser que c'est Mary Shelley qui parle. Et quand on sait les espaces qu'elle a dû traverser, les espaces gelés, déserts, les espaces du chagrin, on ne s'étonnera pas de ce que l'action de Frankenstein se déroule où ça ? Et bien dans les glaces arctiques. Comme par hasard, dans ces espaces déserts et gelés qu'elle connaissait si bien, faits de blancheur, exactement comme Victor Hugo a écrit après la mort de sa fille Léopoldine, je cite « demain à l'aube, à l'heure où blanchit la campagne ». Donc vous voyez à l'œuvre la puissance de la littérature qui peut-être ne guérit pas, mais qui en tout cas console. Et d'ailleurs, pour revenir à Mary Shelley, qu'est-ce qu'un livre au fond, si c'est pas un enfant qui lui au moins ne meurt pas ? Et d'ailleurs, Mary Shelley, quand elle pose le point final de Frankenstein, elle écrit « et maintenant, j'invite ma hideuse progéniture à aller et prospérer. J'éprouve de l'affection pour elle, car elle est l'enfant de jours heureux ». C'est presque la définition magnifique de la littérature. Je vous donne les références. Frankenstein de Mary Shelley vient de reparaître en folio. Vous retrouvez cette chronique dans Le Parisien Magazine, opus préféré de Guillaume Meurice, apparaîtra demain. J'adore. Avec un dossier consacré à la culture. On s'est demandé à quoi sert la culture après les attentats. Et bien, ça sert à donner des forces. Et le mode d'emploi est dans Le Parisien Magazine à sortir bouquin, demain. C'est un bouquin magnifique. Hein. Le Parisien Magazine ? Ouais, c'est assez surfait quand même. Non, c'est un bouquin magnifique. Magnifique. Et magnifique. Le récit est une espèce de poupée russe. Ouais, C'est magnifique, oui. Magnifique. J'ai un souvenir grandiose de ce bouquin, vraiment. Quitte à le relire peut-être à une. Ouais, c'est un bouquin humain. C'est très curieux parce que cette créature inventée par les humains et qui ne sait plus comment faire avec sa peau pour trouver l'amour, qui traverse les banquises et tout pour essayer de trouver une fiancée qui supplie ses créateurs de ses. Il y a un moment, ça devient tellement humain, c'est tellement bien écrit, il y a tellement de ferveur là-dedans, c'est vraiment un bouquin magnifique. Et le plus affreux est finalement l'homme, qui qui refuse de lui donner sa fiancée. Exactement. Ah, oui. Exactement. Merci Clara Dupont-Monod, avec, avec la collaboration de Richard Boranger, qui justement adorait cet ouvrage qui semble fondateur dans votre vie, dans votre bibliothèque. Et qui donc est à l'atelier pour J'avais un ballon rouge, où vous aussi, effectivement, vous créez... Il y a un vrai lien avec Frankenstein, votre fille vous dépasse. C'est joli. Et c'est le moment de la proposition indécente à Richard Boranger. Est-ce que vous acceptez de participer à un sketch avec nous, Richard Boranger? Tous les jours, on propose à l'invité un rôle. Tenez. Et je vous donnerai le rôle de Bernard Tapie. Aujourd'hui, est-ce que vous l'acceptez? Eh ben, si, Richard. Non, car ce matin, Bernard Tapie était potentiellement milliardaire. Il a donc décidé d'aller rendre visite à deux vrais milliardaires, Mark Zuckerberg, Guillaume Meurice et Bill Gates. Moi-même, attention, qu'est-ce que va leur raconter Bernard? Hi Mark. Hi Bill. Salut les petits joueurs. Pardon, mais qui êtes-vous? On n'est pas amis sur Facebook? Bernard Tapie. Ah, il a l'air marrant le Frenchie. Bill et moi, on est milliardaires. Moi aussi, dans 5 minutes, je devrais l'être. Oh, ça, je like. Et je vais faire comme vous. Continuer à aboutir les masses? Mais non, faire une fondation, la fondation Bernard Tapie. Ah oui, vous êtes comme nous. Un philanthrope. C'est ça, c'est le mot qui me définit le mieux. Okay. Et en quoi consisterait la fondation Tapie? Bah, j'ai déjà fait beaucoup de bien dans le football, dans un pays pauvre. Ah. Oui. Ah, j'ai offert une coupe des champions à la France. Ah, c'est pas un pays pauvre, la France? En football, si. Ah oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Excellente vanne, j'ai la tweet. Eh ben non, Bill, poste-la plutôt sur ton mur Facebook. Pardon, Marc, ça m'a échappé. Je fais aussi beaucoup pour la presse. Ah oui, je vois souvent dans les journaux des chroniques judiciaires sur vous. Mais voilà, mon rêve aujourd'hui, c'est de promouvoir le théâtre. La fondation Bernard Tapie pour le théâtre. Ah, génial, je crée un groupe et je fais un événement pour le lancement. Je veux monter les grandes pièces avec de grands comédiens français. Ah, moi, mon préféré, c'est Richard Boranger. Oh, yes. Richard Boranger? Non. Il me faut un comédien charismatique. Ah oui, effectivement. Vous pensez à qui? Je pense à moi. Ah. Bernard, qu'est-ce qui se passe? Laetitia Gaillet pour les infos. Bernard Tapie devra rembourser. L'homme d'affaires est donc condamné à redonner les 404 millions d'euros touchés suite à l'arbitrage rendu en 2008. Ah, Bernard, ça va compromettre la fondation, là. Bah, dites les gars, vous avez créé des fondations pour aider les gens dans le besoin. Salut Bernard. Merci Richard Boranger. Putain, il est condamné, dis-donc. On sent que ça vous a pas fait trop de mal quand on a entendu l'information. Pardon? Ça ne vous a pas fait trop de souffrance quand on a entendu l'info? Non, parce que je suis bien persuadé que vers le Luxembourg... Il va trouver un petit 404 millions quelque part. Il doit y avoir un petit... Voilà. C'est parce qu'apparemment, d'après certaines informations, il aurait pas mal investi en Wallonie, en Belgique. Donc c'est nous qui sommes un petit peu emmerdés. C'est comme ça. Richard Boranger, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Merci, j'ai tout compris. Vous avez fait un formidable Bernard Tapie. Richard Boranger, que vous pouvez retrouver pour des représentations exceptionnelles au Théâtre de l'Atelier. Foncez-y. Jusqu'au 3 janvier, conseillé par Alex Vizorek, qui a vu la pièce. Hein. J'avais un beau ballon rouge avec Roman Boranger. Merci beaucoup, Richard. Je vous appelle Richard, ça y est. Richard. Je suis en train de regarder le calendrier Pirelli, alors vous savez... Oh, mais écoutez, on en parlera demain, vous savez. Oui, mais je ne serai pas là. Hein, ah, bon, demain, c'est pas sûr. On en parlera avec Frédéric Fromet, Christophe Comte. Allez, le mot de la fin à Clara Dupont-Monod quand elle se lâche dans le bureau. La pudeur, tu connais? Penses-tu? Elle s'en fout comme de ses premières garnitures.